الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. أمرنا ببناء المساجد. Il nous a ordonné de faire construire des mosquées. لتقوم بدور المعابد. Afin qu'elles jouent le rôle des lieux d'adoration. للقارئ والراكع والساجد. Pour le récitateur, pour celui qui récite, celui qui s'incline et celui qui se prosterne. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Il dit, lui le Très-Haut, Yabna Adam, ô fils d'Adam, tafarrag li ibadati. Libère-toi pour mon adoration. Amla'u sadraka ghinan, et je remplirai ta poitrine de richesse. Wa asuddu faqrak, et j'arrêterai ta pauvreté. Wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan, sinon je vais te donner beaucoup d'occupations, beaucoup de travail. Wa lam asuddu faqrak, sans arrêter ta pauvreté. Rawahu l'imam al-Tirmidhi wa qala anhu hadithun hasanun, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Yabna Adam, tafarrag li'ibadati, awjid al-waqt likay ta'budani ana Allah. Tafarrag li'ibadati, amla sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan ولم أسد فقرك. العبادة طريق للغنى. Donc l'adoration est un chemin qui mène vers la richesse. العبادة إزالة للفقر. L'adoration est une élimination de la pauvreté. وعدم العبادة est le manque d'adoration. مصدر للفقر est une source de la pauvreté. Le manque d'adoration est une source de pauvreté. وَلَوْ عَمِلَ الْإِنسَانُ لَيْلَ نَهَارِ, et même si l'individu travaille jour et nuit, il restera toujours pauvre parce qu'il n'a pas ou il n'adore pas Dieu subhanahu wa ta'ala. فَالْغِنَ الْحَقِيقِ هُوَ غِنَ الْقَلْبِ, la vraie richesse est celle du cœur. تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأُ صَدْرَكْ أَمْلَأُ قَلْبَكْ غِنًا, libère-toi pour mon adoration et je remplirai ta poitrine, ça veut dire ton cœur, de richesse. Wa asuddu faqrak, et j'arrêterai ta pauvreté. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan rasulullah as-sadiq al-amin, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prière et salut sur lui, ya'jabu rabbuka min ra'i al-ghanam, ton Seigneur s'émerveille d'un berger de brebis. Fi ra'si shadiyati al-jabal, qui se trouve au sommet d'une montagne. Yu'addinu bis-salah, qui fait l'appel à la prière. Il est seul, il n'y a personne avec lui d'humain. Wa yusalli, et par la suite il accomplit la prière. Fa yaqulu Allahu 'azza wa jall, et par la suite Dieu le Très-Haut dit, unduru ila 'abdi, regardez mon serviteur. Yu'addin, il fait l'appel à la prière. Wa yuqimu salat, et il accomplit la prière. Yakhafu minni, il a peur ou il me craint. Qad ghafartu li 'abdi, j'ai pardonné à mon serviteur. Wa adkhaltuhu al-janna, et je l'ai fait entrer au paradis. Rawahu al-imam an-Nasa'i, rapporté par l'imam an-Nasa'i. 'Abdun dakhala al-jannah, un serviteur qui entre au paradis, li'annahu salla fi makanin la yarahu fihi ahadun illa Allah, parce qu'il a accompli la prière dans un lieu où personne ne le voyait à part Allah. Lam yunsihi 'amaluhu al-'ibadata was-salat, son travail ne lui a pas fait oublier l'adoration et la prière. Sayyidi Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, ورمال الصحراء et au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. سأتكلم اليوم عن موضوع قديم وجديد. Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui est ancien mais en même temps qui est nouveau. وهو موضوع خطبة أو حضور صلاة الجمعة et qui est le sujet s'intitule la présence au vendredi ou le qu'est-ce qu'il faut faire le jour du vendredi. فكثيرا من الناس بعد صلاة الجمعة يشتكون مما يرون من أخلاق المسلمين. beaucoup de fois des prieurs à la fin de la prière du vendredi viennent vers moi pour se plaindre des erreurs commises par les musulmans le jour du vendredi. أنا تقريبا مرة في السنة أتكلم عن الجمعة. Et moi presque chaque année ou une fois par année j'aborde le sujet du vendredi. لا أستطيع أن أتكلم عن الجمعة في كل جمعة. Je ne peux pas parler du vendredi ou de ce qu'il faut faire le jour du vendredi à chaque vendredi. ولكن ربما لما نتكلم يكون ناس غائبين. Mais peut-être lorsqu'on aborde ce sujet il y a des absents. ربما في ناس يأتون لأول مرة ويتابعون معنا من بعد ما تكلمتنا عن الموضوع فهم لا يعرفون. Il y a des gens qui viennent après ou qui connaissent la mosquée après et ils viennent toujours par la suite à cette mosquée mais n'ont pas entendu ce sujet. وهذا واجب الإمام وهذا المطلوب من خطبة الجمعة وهو التذكير. Et c'est cela le rôle d'un imam. Et c'est le but recherché par le discours du vendredi, c'est le rappel. Rappeler et rappeler et rappeler et toujours rappeler. كثيرا ما أرى داخلا المسجد يسلم على صاحب له ويضحك معه. Pas mal de fois, je repère lorsque je donne j'assure le discours, quelqu'un qui entre, qui salue un autre, un ami qui rit avec lui. ويعني دائما يتكلمون لي الناس يجدون الكسكس خارج المسجد والتمر. Souvent on me parle des gens qui trouvent le couscous et les dates à l'entrée de la mosquée. فيأكلون et ils mangent. ويتكلمون et ils parlent en mangeant. وذلك بعد الأذان. Et ceci après l'أذان, après l'appel à la prière. وبعد بداية الخطبة. Et après le discours du vendredi. وكأن الكسكس سيهرب. Et comme si le couscous va fuir. وأنا أقول لمن يأتي بالكسكس أنت تبحث عن حسنة فتقوم بسيئة. Et je dis à celui qui apporte le couscous, tu cherches une bonne action mais en fait tu fais une mauvaise. Parce que tu détournes avec ton couscous de l'évocation de Dieu سبحانه وتعالى. لأنك بكسكسك تبعد الناس عن ذكر الله. حتى من أراد أن يأتي بالكسكس فليأتي به بعد صلاة الجمعة. Celui qui veut apporter son couscous, il peut l'apporter après la prière. Il le sort de sa voiture après la prière du vendredi. Et celui qui a besoin de manger le couscous, il reste. Celui qui n'a pas besoin, il va partir. من أراد أكل الكسكس تولي عادة يجي ما يتسنى شوية ينتظر. هذه الأخطاء يقوم بها أصحاب المساجد. Donc ce sont des erreurs commises par les prieurs, les fidèles des mosquées. وهناك مسلمون, il y a d'autres musulmans, عند أذان الجمعة, lors de l'appel à la prière, يجلسون في المقاهي. Ils prennent place dans des cafés. هم لا يصلون الجمعة parce qu'ils ne font même pas le vendredi. أو أماكن اللهو, ou dans des lieux de distraction. أو يشتغلون بالتجارة, بيع أو شراء, où ils s'occupent par le commerce, soit des vendeurs ou soit des acheteurs. وهناك من يقوم حتى بالحرام في وقت الجمعة. Il y a des gens même qui accomplissent le péché, l'interdit, au moment du vendredi. وهناك مسلمون يحضرون خطبة الجمعة كل أسبوع. Il y a des gens, des musulmans qui assistent au discours du vendredi ici ou ailleurs, tous les vendredis, chaque semaine, يَسْتَمِعُونَ لِلْآيَاتِ وَالْأَحَدِيثِ, ils écoutent, comme nous tous, les versets coraniques et les paroles prophétiques, وَلَا يُطَبِّقُونَ شَيْئًا مِمَّا سَمِعُوا, et ils n'appliquent rien de tout ce qu'ils ont entendu. مِنْ أَجْلِ كُلِّ هَذِهِ الْأَسْبَابِ, pour toutes ces raisons, سَأَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ عَنْ صَلَاتِ الْجُمْعَةِ, aujourd'hui, je vais aborder le sujet du vendredi, et comme d'habitude, je vais poser plusieurs questions et essayer de donner des réponses. Je commence par la première question. Quelle est l'importance du jour du vendredi? Quel est le mérite, la vertu de ce jour de vendredi? La réponse sera donnée à partir des paroles du prophète, prière et salut sur lui. Qala alayhi salatu wa salam, il dit prière et salut sur lui, khayru yawmin tala'at fihi aw alayhi ash-shamsu yawmul jumu'ah. Le meilleur jour dans lequel le soleil se lève est le vendredi. Fihi khuliqa khalaqa Allahu Adam. Dans ce jour, Dieu a créé Adam. Wa fihi udkhila al-jannah. Et en ce jour, on le fit entrer au paradis, et en ce jour, on le fit sortir, ça veut dire du paradis. Rawahu Muslim wa ghayruhu, rapporté par l'imam Muslim et par d'autres. Wa qala an-nabiyyu, yani ahsan yawm fi al-usbu' huwa yawm al-jumu'ah. Donc on retient le meilleur jour de la semaine, c'est le vendredi. قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et sage lui dit dans un autre hadith من توضأ فأحسن الوضوء, celui qui fait bien ses ablutions, ثم أتى الجمعة, et après il vient vers le vendredi, ça veut dire vers la prière du vendredi, فاستمع وأنصت, et il a écouté avec silence, avec silence, غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى, il verra ses péchés entre les deux vendredis pardonnés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Depuis vendredi dernier jusqu'à ce vendredi seront absous, seront pardonnés par Dieu subhanahu wa ta'ala, وزيادة ثلاث أيام, et il y aura en plus trois jours, c'est-à-dire pas seulement sept mais dix au total qui seront pardonnés grâce uniquement à ta présence du vendredi. يعني هذه مغفرة عشرة أيام مضت لأنك حضرت الجمعة فقط, الله غفور يغفر لك, ولكن بهذه الشروط أن تأتي وتستمع وتنصت وتسكت لا تتكلم. رواه الإمام مسلم والترمذي وغيره, rapporté par l'imam مسلم, ترمذي et d'autres. لأن الحسنة بعشر أمثالها, parce que la bonne action est comptabilisée par 10. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dans un autre hadith, le prophète prière et sage lui dit, من غسل يوم الجمعة, celui qui se lave le vendredi, واغتسل, et prend le bain rituel, وبكر وابتكر, et il est venu tôt, très tôt, vers la mosquée, ومشى ولم يركب, et il est venu à pied et non pas sur une monture, ودنا من الإمام, et il s'est rapproché de l'imam. Il n'est pas chez nous, par exemple, dans la deuxième salle ou dans le sous-sol. Non, à côté de l'imam. Ça veut dire, il est venu tôt pour trouver une place à côté de l'imam. Il a fait l'effort. فاستمع ولم يلغو, et il a bien écouté le discours sans causer, sans bavarder. كان له بكل خطوة عمل سنة. Il aura avec chaque pas l'œuvre d'une année, avec chaque pas l'œuvre d'une année, ajra siyamiha wa qiyamiha, le salaire d'une année de jeûne et de veille nocturne de prière. Ça veut dire pour Dieu, avec chaque pas, comme s'il a jeûné l'année et comme s'il a veillé par la prière pendant toutes les nuits de l'année pour chaque pas. Et regardez combien il y a de pas de chez vous jusqu'ici. رواه الإمام أحمد, rapporté par l'imam Ahmed, الإمام أبو داود والترمذي, وقال عنه حديث حسن, rapporté par l'imam Ahmed, l'imam أبو داود, l'imam الترمذي, qui l'a qualifié de حسن, d'authentique. ورواه النسائي ورواه ابن ماجه ورواه ابن خزيمة ورواه ابن حبان ورواه الحاكم وصححه ورواه الإمام طبراني هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله في كل جمعة 600,000 عتيق من النار. Il y a pour Dieu chaque vendredi 600,000 délivrés de l'enfer. رواه الإمام البيهقي. Rapporté par l'imam البيهقي. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم l'archange Gabriel prière et sage lui dit au prophète صلى الله عليه وسلم هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا. Ce vendredi, Dieu te l'expose ou te le présente pour qu'il soit, pour que le vendredi soit pour toi une fête. Et pour que le vendredi soit une fête à ton peuple ou à ta nation après toi. Et il y a pour vous, c'est-à-dire dans le vendredi, beaucoup de bien. Rawahu l'imam Tabarani bi isnadin jayyid, rapporté par l'imam Tabarani avec une chaîne excellente. Idhan, bikhtisar, donc brièvement. الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين. Le vendredi est une fête hebdomadaire pour les musulmans. يغفر الله فيه للمذنبين, pendant lequel Dieu pardonne aux pécheurs. ذنوب عشرة أيام ماضية, les péchés de 10 jours passés. ويعتق 600,000 من النار, et il délivre en ce jour 600,000 de l'enfer. ويعطي لأصحاب الجمعة بكل خطوة أجر صيام وقيام سنة كاملة, et il accorde aux prieurs qui viennent au vendredi avec chaque pas le salaire d'une année de jeûne et d'une année de prière nocturne. الآن السؤال الثاني. Maintenant je pose la deuxième question. ماذا طلب الله منا أن نفعل في هذا العيد كي نحصل على كل هذا الأجر. Qu'est-ce que Dieu nous a demandé en ce jour afin ou pour acquérir tout ce salaire. قال تعالى في آية كريمة من سورة الجمعة والآية معروفة عندكم. Dieu dit dans un verset noble du chapitre le vendredi, يا أيها الذين آمنوا, ولما يقول الله يا أيها الذين آمنوا يعني انتظر أمرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وخلوا البيع وذروا البيع. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, hâtez-vous vers l'évocation de Dieu et laissez de côté le commerce. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. فالله خاطب في هذه الآية الذين آمنوا. Dieu s'est adressé par ce verset à ceux qui ont cru. Parce que ce sont eux qui répondent positivement aux appels divins. Ce verset contient deux ordres. Al-awwal, ja'ala al-dhahab ila salati al-jumu'ah fardan ala kulli muslimin mu'minin. Le premier ordre, c'est qu'il a fait du départ, de l'aller à la prière du vendredi, une obligation pour chaque musulman, pour chaque croyant. Illa ashab al-a'dar, à part les gens excusés, kal-mar'a, comme la femme. Al-mar'a, mouch wajib alayha ta'ti lil-jumu'ah. La femme, la présence au vendredi pour la femme n'est pas obligatoire. Ou le mouchkil, le mar'a allati ta'ti ou hiya ma wajibch alayha le jumu'ah walakin tji bach tkallam l'imam yakhtob wa hiya tatakallam. Le problème, le malheur, c'est pour la femme, on a dit c'est pas obligatoire pour elle la présence du vendredi, mais elle vient pour parler, l'imam donne son discours et elle est en train de parler. Et beaucoup de femmes se plaignent de cela. Il n'y a pas toutes les femmes qui le font, mais il y a quelques femmes quand même qui bavardent. Wahida, fi salati al-jumu'ah, une femme pendant la prière du vendredi, on est en train de prier, pas le discours, la prière. Ranna al-hatif, son portable a sonné. فقالت في الهاتف أجابت إنني في صلاة الجمعة. Elle a répondu, je suis dans la prière du vendredi. Elle a raccroché. Fi salat al-jumu'ah, pendant la prière, hadhihi haluna, tel est notre état. Al-mar'a li 'andha walad saghir wa 'arfa annahu sayu'di an-nas bil-buka' wa lan tastati' iskatahu, fa hadhihi tadur an-nas. La femme qui a un bébé incontrôlable qui pleure tout le temps, elle sait que sa présence va nuire aux autres. On va lui dire, ma sœur, la prière n'est pas obligatoire pour toi. En attendant que ton bébé soit contrôlable. هناك نساء يبدلون ثياب الأطفال من البول أو الغائط وفي مكان في يعني في قاعة صلاة. وناس يشتكون لرجال ونساءهم تخبرهم بذلك. Il y a des femmes qui changent les couches de leur bébé dans le lieu de la prière, au lieu de sortir de l'enceinte de la salle de prière. فالمرأة أصحاب الأعذار هم المرأة, donc les hommes ou les personnes excusées, c'est la femme, أو المريض, ou bien le malade. إلى غيره. ولكن لو ذهبت المرأة أو المريض مثلا إلى المسجد, mais dans le cas où la femme vient à la mosquée ou le malade vient à la mosquée, رغم أن صلاة الجمعة ليست فرضا عليه, malgré que la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour lui, فصلاته صحيحة, leur prière est valable, ولا يصلي الظهر بعدها, et il ne doit pas faire le dhuhr ou la prière du dhuhr par la suite. والأمر الإلهي واضح تماما, l'ordre divin est clair. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Quand on appelle à la prière du vendredi, hâtez-vous vers l'évocation de Dieu. يعني ذكر الله هو الخطبة زائد الصلاة. L'évocation de Dieu se résume dans le discours de l'imam plus la prière. لم يقل تعالى فاسعوا للأكل لأكل الكسكس. Dieu n'a pas dit quand il y a l'appel, précipitez-vous, hâtez-vous vers le couscous. أو الكلام أو الوقوف أمام المسجد, ou hâtez-vous au bavardage devant la mosquée. Il y a des gens qui arrivent et qui restent ici pour, je ne sais pas pourquoi ils restent devant la mosquée, ils n'entrent pas. Ils préfèrent bavarder. الأمر الثاني حرم التجارة. Le deuxième ordre de ce verset, il a interdit le commerce. رغم أن التجارة حلال, malgré que le commerce est halal, licite. قال الله تعالى, Dieu dit dans un verset, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, يعني التجارة, وَحَرَّمَ الرِّبَى. Et Dieu a permis le commerce et a interdit l'usure. فَبَعْدَ أَذَانَ الْجُمُعَ, juste après l'appel à la prière du vendredi, تَصِيرُ التِّجَارَةُ حَرَامًا, يَصِيرُ الْحَلَالُ حَرَامًا. Le commerce licite devient illicite avec l'appel. قال تعالى وذروا البيع. Dieu dit dans son ordre, laissez de côté le commerce. لماذا؟ Pourquoi؟ لأن التجارة تلهي البائع وتلهي المشتري عن ذكر الله. Parce que le commerce distrait le vendeur, le commerçant et l'acheteur de l'évocation de Dieu. والله أعطانا مثالا وهي التجارة. Dieu nous a donné un exemple qui est le commerce. لنفهم أن كل شيء حلال بعد الأذان يصير حراما. Afin qu'on comprenne que toute chose licite après l'appel redevienne illicite. الأكل, le manger. الشراب, la boisson. اللهو, la distraction. العمل, le travail. الكلام, la parole. إلى آخره, etc. كل ذلك يصير حراما. Tout cela devient interdit. من يستطيع منا أن يعارض هذين الأمرين الإلهيين؟ Qui parmi nous peut s'opposer à ces deux ordres suprêmes divins؟ إنسان قلبه فارغ أو ضعيف من الإيمان, à part un homme ou une femme dont le cœur est vide ou il y a une faible foi dans son cœur. ثم قال تعالى, et après Dieu a dit dans la suite de ce verset, ذلكم خير لكم in kuntum ta'lamun, c'est cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. بمعنى الذهاب الى ذكر الله يوم الجمعه فيه خير كبير لكم. Ça veut dire aller le jour du vendredi à la mosquée pour y assister à la prière est un grand bien pour vous. مغفرة, une absolution, عتق من النار, une délivrance des flammes de l'enfer, وأجر كبير, et un immense salaire, إن كنتم تعلمون, dans le cas où vous saviez. وقال تعالى في آخر سورة الجمعة, et à la fin du chapitre du vendredi, Dieu, dans ce verset, a dit, قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة, واللهو هو الكلام, هو أي شيء يلهي عن ذكر الله, خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. من يريد الرزق عن طريق البيع والشراء, الله خير الرازقين. Dit, ce que Dieu détient auprès de lui est bien meilleur que la distraction et que le commerce. Dieu est le meilleur des dispensateurs des biens. السؤال الثالث, la troisième question, ما حكم تارك صلاة الجمعة من غير عذر. Que risque-t-il celui qui s'absente sans excuse à la prière du vendredi? الجواب, la réponse, لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت تارك الجمعة. Le prophète, prière et sa souris à son époque, a eu l'idée, a eu l'intention une fois d'incendier les maisons de ceux qui ne venaient pas au vendredi. Incendier les maisons. قال النبي صلى الله عليه وسلم, il dit, prière et salut sur lui, لينتهين أقوام عن ودعهم عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. Soit que des gens abandonnent leur absence au vendredi, ou bien Dieu va sceller leur cœur, va fermer leur cœur, et par la suite ils seront certes parmi les inattentifs. Rawahu l'imam Muslim wa Ibn Majah, rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Ibn Majah. Wa bayyana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man taraka thalatha jum'atin, thalathat al-jum'at mutaba'at tahawunan biha wa fi riwaya min ghayri 'udr taba'a Allah 'ala qalbi. Le prophète dit, celui qui s'absente à trois vendredis par négligence ou par insouciance, dans une autre version, sans excuse, Dieu scelle son cœur. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Ce hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam Ahmed, l'imam An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban et Al-Hakim. وسئل ابن عباس رضي الله عنه. Une fois on a interrogé Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui. عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل, à propos d'un homme qui jeûnait le jour et qui priait la nuit. ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة. Mais en contrepartie, il n'assistait pas aux prières collectives ni le vendredi. قال هو في النار. Ibn Abbas, il a dit, cet homme est en enfer. رواه الإمام الترمذي, rapporté par l'imam الترمذي. السؤال الرابع, ماذا نفعل قبل الذهاب إلى الجمعة؟ Que devons-nous faire avant d'aller au vendredi? الجواب, la réponse, السنة الاغتسال, الوضوء الأكبر. La sunna, c'est les grandes ablutions, le bain rituel. وهو سنة مؤكدة, qui est une sunna recommandée. قال صلى الله عليه وسلم, غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, يعني على كل مسلم. Le bain rituel du vendredi est un devoir pour tout adulte ou tout musulman. وكذلك التطيب, aussi se parfumer est une sunna. Ne pas aller sans se parfumer à la mosquée. لبس أحسن ثياب, prendre ses meilleurs habits. لباس نظيف, des habits propres et non pas sales, de graisse ou autre. وجوارب نظيف, des chaussettes propres, غير كريهة, et non malodorantes, qui fait du mal à ceux qui sont à côté de toi. غسل الأسنان, laver bien ses dents. تقليم الأظافر couper les ongles قص الشارب couper la moustache إلى آخره etc. قال تعالى Dieu dit dans un verset يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد Ô fils d'Adam embellissez-vous pour chaque départ à la mosquée. السؤال الخامس la cinquième question متى نذهب إلى المسجد يوم الجمعة quand est-ce devons-nous partir à la mosquée ou à quelle heure devons-nous aller à la mosquée le jour du vendredi الجواب, la réponse قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et ça lui dit من اغتسل يوم الجمعة celui qui prend le bain rituel le jour du vendredi يعني غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى et après il part à la première heure La première heure du vendredi, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بُدْنَ يعني ناقة, comme s'il a offert à Dieu une chamelle. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَ الثَّانِيَ celui qui part à la deuxième heure, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَ c'est comme s'il a offert à Dieu comme offrande une vache. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَ الثَّالِثَ celui qui part à la troisième heure, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا c'est comme s'il a offert un bélier. أقرن كورنو ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة et celui qui part à la quatrième heure c'est comme s'il a offert une poule de la chamelle on passe à une poule ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة celui qui part à la cinquième heure c'est comme s'il a offert un œuf الساعه الخامسه يعني الامام غيطلع 5e heure l'imam va sortir فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر lorsque l'imam sort les anges viennent pour écouter l'évocation متفق عليه البخاري ومسلم unanimement authentique البخاري et مسلم فالملائكه تقف امام باب المسجد يكتبون اسماء الداخلين حسب وقت وصولهم les imams se placent à l'entrée de la mosquée afin d'inscrire les prieurs avec leur heure d'arrivée فإذا خرج الإمام lorsque l'imam sort طووا صحفهم les imams plient leurs livres ou leurs journaux ودخلوا للاستماع et ils entrent pour écouter l'évocation للذكر كما جاء في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم conformément à un hadith rapporté par l'imam Ahmad et al-Nasa'i. Wa sunnah 'inda al-jumhur. La sunna chez la majorité des imams, an al-dhahab ila salat al-jumu'ah yabda min awwal an-nahar. Le départ à la prière du vendredi a lieu ou doit commencer dès le début du jour. Donc les gens à l'époque, dès le début du jour, partaient vers la mosquée pour rester dans la mosquée pour prier, pour évoquer etc. jusqu'à faire la prière du vendredi et repartir chez eux. والسنة عند المالكية الذهاب ساعة قبل الظهر يعني الزوال. Mais la sunna chez les malikites c'est de partir une heure avant الظهر. ويمكن الجمع بين الرأيين. On peut faire une conciliation entre les deux avis. من لا يعمل وليس له شاغل celui qui ne travaille pas celui qui n'a pas un empêchement فالافضل له الذهاب مبكرا il lui est préférable d'aller au vendredi tôt والذي يعمل او مشغول celui qui travaille ou qui est occupé فالافضل له الذهاب قبل الاذان حسب الاستطاعة il lui est préférable d'aller au vendredi avant l'appel à la prière selon ses possibilités اما بعد الاذان فيصير الذهاب فرضا وليس سنة. Mais une fois on a fait l'adhan, le départ au vendredi devient une obligation et non pas une sunna. كما رأينا في الآية فاسعوا إلى ذكر الله. Comme nous l'avons vu dans le verset, hâtez-vous donc à l'évocation de Dieu. أخي أختي كيف لا تأتي من الأولين يوم عيد الجمعة. Frère ou sœur, comment tu ne viens pas parmi les premiers? Le jour de la fête du vendredi, il a baytillah vers la mosquée, vers la maison de Dieu. Anasita maw'idaka ma'allah. As-tu oublié ton rendez-vous avec Dieu? ما الذي أنساك هذا الموعد؟ Qu'est-ce qui t'a fait oublier ce rendez-vous؟ أهناك شيء أكبر من الله؟ Y a-t-il quelque chose qui est plus grande que Dieu dans ta vie؟ لو كان عندك موعد مع رئيس الدولة، dans le cas où tu as un rendez-vous avec le président de la République، هل تحضر فيه متأخرا؟ Est-ce que tu vas arriver tard ou en retard à ce rendez-vous؟ أم ستحضر ثلاث ساعات قبل الوقت؟ Ou bien vas-tu être présent à ce rendez-vous trois heures ou deux avant l'heure؟ أمر إلى السؤال السادس. Je passe à la sixième question. ماذا نفعل يوم الجمعة في المسجد؟ Que devons-nous faire le jour du vendredi dans la mosquée؟ الجواب, la réponse, صلاه النافله, la prière, les prières surérogatoires, وذكر الله بقراءه القران, l'évocation de Dieu avec la récitation coranique, خصوصا سوره الكهف, surtout le chapitre la grotte ou la caverne, فهي نور الى الجمعه القادمه, celui qui lit cette sourate ou ce chapitre, ça va lui donner une lumière jusqu'au vendredi prochain. رواه الحاكم والبيهقي, rapporté par l'imam الحاكم والبيهقي. أو غيره من الذكر, autre manière d'évocation, كالتسبيح والتكبير إلى آخره, comme le fait de proclamer la gloire et la grandeur de Dieu, etc. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Aussi, les choses qu'on doit faire ou qu'on peut faire dans la mosquée, c'est de faire des prières en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. انظروا ماذا يقول, regardez ce qu'il dit. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, parmi vos meilleurs jours est le vendredi. فأكثروا من الصلاة علي فيه, faites pour moi beaucoup de prières en ce jour. فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي, parce que votre prière du jour en ma faveur du jour du vendredi est présenté à moi. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجة. مع العلم أن الحسن بعشر أمثالها, sachant que une bonne action est toujours comptabilisée par 10. والدعاء كذلك, الدعاء, on peut dans la mosquée faire des invocations, s'asseoir et parler avec Dieu dans sa maison, lui dire tout ce qu'on veut. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète dit, فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأشار بيده يقللها, متفق عليه. Il y a en ce jour une heure pendant laquelle tout serviteur musulman debout dans sa prière qui demande à Dieu une chose verra sa demande exaucée. Et le prophète a fait un signe pour dire que cette heure est très courte, unanimement authentique. Le prophète a indiqué avec précision le temps de cette heure. إلى أن تقضى الصلاة, c'est entre où l'imam sort pour s'asseoir sur le minbar jusqu'à la fin de la prière. رواه مسلم وأبو داود, rapporté par l'imam مسلم et أبو داود. أخي أختي, frère, sœur, عندك مشاكل, tu passes par des problèmes, أصابتك مصيبة, tu es touché par un malheur, مرض, فقر إلى آخره, une maladie, une pauvreté, etc. ادعو الله يوم الجمعة, invoque Dieu le jour du vendredi. وطالما المسلم ينتظر الصلاة في المسجد فهو في صلاة عند الله. Et tant que le musulman attend la prière dans la mosquée, pour Dieu il est déjà dans la prière. وعندما يخرج الإمام ويبدأ في الخطبة, lorsque l'imam sort pour démarrer ou commencer son prêche, يصير الاستماع لذكر الله فرضا. Écouter l'évocation de Dieu devient une obligation. فسعوا ليش إلى ذكر الله, hâtez-vous, pourquoi? Pour l'évocation de Dieu. ويصير الكلام حراما, et la parole devient interdite. حتى السلام, même les salutations, on n'a pas le droit de saluer quelqu'un quand on entre dans la mosquée le jour du vendredi lorsque l'imam est en train d'assurer son discours. وإجابة السلام لا تجوز, il n'est pas permis de répondre aux salutations. حتى أن تقول لواحد اسكت ولو بيدك هكذا, لا يجوز. Même le fait de dire à quelqu'un de se taire avec ta main n'est pas permis. قال النبي صلى الله عليه وسلم, إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Le prophète dit, si quelqu'un, si tu dis à ton ami le jour du vendredi, tais-toi ou écoute avec silence, et l'imam est en train d'assurer le prêche, tu as causé ou tu as bavardé. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa fi riwaya, et dans une version, wa man lagha fala jumu'ata lah, et celui qui cause n'a pas fait le vendredi. Ahmed wa Abu Daoud, rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud. Bima'na sarat jumu'atuhu dhuhran, ça veut dire sa prière est devenue une prière de dhuhr. Wa dayya'a ajra al-jumu'ah, et il a raté le salaire du vendredi. Wa hatta al-abat bil yad, même le fait de jouer avec sa main pendant le discours ou la yajouz n'est pas permis. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit wa man massa al-hasa, kan 'andhom al-hasa, hna 'andna az-zarbiya, man massa az-zarbiya wa man massa al-hasa faqad lagha, celui qui touche les cailloux. À l'époque dans la mosquée il n'y avait que des cailloux, il n'y avait pas un tapis. Maintenant celui qui touche le tapis avec sa main pendant le discours a causé. رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهم rapporté par l'imam مسلم l'imam الترمذي et d'autres. قضية تحية المسجد, si on parle maintenant de des salutations de la mosquée, quelqu'un qui entre, qui trouve l'imam est en train de prêcher, doit-il faire les deux unités de prière ou doit-il s'asseoir? عند الإمام مالك لا يجوز له الصلاة, يجلس بعد خروج الإمام لا يصلي الإنسان, يجلس يأتي ويجلس. Chez l'imam Malik, lorsque l'imam commence le discours, celui qui entre par la suite ne fait pas la prière. Il s'assoit ou il prend place directement. ومذهب الجمهور الصلاة, mais l'avis de l'unanimité des autres imams, il lui est possible de faire les salutations de la, comment dire, de la mosquée. وهنا لا نتكلم من أراد أن يصلي يصلي ومن أراد أن لا يصلي لا يصلي من قل ليش لم تصلي أو لي. Et là, il y a, alhamdoulilah, un chemin vaste. Celui qui veut faire la prière, il l'a fait. Celui qui ne fait pas, il ne fait pas. Et on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui prie, pourquoi tu pries? Et on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui n'a pas fait cette prière de salutation, pourquoi tu n'as pas fait? Chacun est libre, tant que c'est autorisé par notre islam. السؤال السابع والأخير, la septième et dernière question. هل يجوز أو هل تجوز الخطبة بغير العربية؟ Est-elle permis de faire le discours avec une langue non arabe, مثلا بالفرنسية, par exemple en français؟ الجواب أكثر المذاهب على أن الخطبة يجب أن تكون بالعربية. La majorité des écoles musulmanes disent que le discours doit être assuré en arabe. ولكن الحنفية أجاز الخطبة بغير العربية, mais les Hanafites, l'école Hanafite a autorisé le discours en français ou en une autre langue. وممن قال بذلك الشيخ القرضاوي, parmi les gens qui soulignent ça ou qui disent ça ou qui optent pour cela se trouve الشيخ القرضاوي. والدليل قوله تعالى, la preuve se trouve dans le verset coranique, وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم, nous n'avons envoyé de messagers que dans la langue de son peuple afin qu'il leur expose clairement les choses. فَلَا يُمْكِنَ أَن تَتَكَلَّمْ مَعَ النَّاطِقِينَ بِالْفَرَنْصِيَ بِالْعَرَبِيَ, tu ne peux pas parler avec des francophones en arabe. فَلَنْ يَفْهَمُوا شَيْئًا, ils ne vont rien comprendre. وَالْهَدَفْ مِنَ الْجُمْعَةِ هُوَ الْفَهْمُ, et le but recherché par le vendredi c'est le rappel et la compréhension du rappel. فِمَا يَخُصُّنَا, en ce qui nous concerne, نقوم بترجمة فورية للخطبة العربية, on fait une traduction simultanée de ce qu'on dit en arabe. ولكن هذا يطول الوقت, mais ceci prolonge la durée ou augmente la durée. 25 دقيقة للعربية, approximativement 20 à 25 minutes en arabe. ككل الدول, comme la moyenne générale dans tous les pays musulmans. وخمسة وعشرين للترجمة للفرنسية, et il y a 20 à 25 minutes en français pour la traduction. والإنسان لا يكون أناني, l'individu musulman ne doit pas être égoïste, il ne pense qu'à ses propres intérêts. لا نفكر في مصالح الجميع, non, on doit penser aux intérêts de tout le monde. والمصلحة العامة قبل المصلحة الفردية, et l'intérêt général passe avant l'intérêt individuel. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu من المواضيع كذلك القديمة الجديدة parmi les sujets aussi qui sont anciens et nouveaux هو أنه كثيرا ما أسأل عن السحر والعرافين. C'est que souvent on me pose des questions à propos de la sorcellerie et à propos des voyants. وأحب الآن أن أذكر ببعض النقاط maintenant et brièvement je veux rappeler quelques points. أن السحر حرام. Comme quoi la sorcellerie est interdite, strictement interdite en islam. ومن أكبر الكبائر et parmi les grands et les péchés énormes. والإيمان بكلام الساحر كفر بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. Et croire ou dire d'un voyant ou d'un sorcier équivaut à mécroire au messager et à la parole du prophète, au message et à la parole du prophète محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جلس إلى الساحر من غير أن يصدقه, celui qui prend place à côté d'un sorcier ou à côté d'un voyant sans croire à ses paroles, seulement pour rire, pour écouter ce qu'il dit, فصلاته 40 يوما غير مقبولة له. La prière de 40 jours à partir de ce jour n'est pas valable pour lui. ولا يلتجئ إلى الساحر إلا ضعيف الإيمان وضعيف الفكر وضعيف العلم. Et ne va vers le sorcier que celui qui a une faible foi, un bas niveau intellectuel et une faible science. وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالْمُسْتَقْبَلَ إِلَّا اللَّهِ. Et personne ne connaît l'inconnu ou ce qui arrive dans le futur à part Dieu. أَمَّا الْمَلَائِكَ وَالْجِنُ وَالسَّحَرَ فَلَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ. Tandis que les anges, les génies, les diables, les sorciers ne connaissent pas l'inconnu. Et celui qui dit « Moi, je connais ce qui peut arriver demain », c'est un menteur. وَالسِّحْرُ حَقِيقَةً. La sorcellerie est une vérité. Elle existe. C'est cité dans le Coran. وَلَكِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mais la sorcellerie ne nuit qu'avec ou ne fait du mal qu'avec l'autorisation de Dieu. Si Dieu ne donne pas l'autorisation, la sorcellerie ne peut pas nuire. فَلَا تَخَفْ مِنَ السَّاحِرِ وَخَفْ اللَّهِ. Donc ne crains pas le sorcier ou la sorcière et crains Allah qui donne l'autorisation ou qui ne donne pas l'autorisation. وَالسَّحَرَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Les sorciers consomment les biens des gens, l'argent des gens illégalement. ومن صالح السحرة أن الناس يذهبون إليهم لأنهم يغتنون يصيروا أغنياء بهذه الطريقة. Et il est dans l'intérêt des sorciers que les gens partent vers eux ou les consultent parce qu'ils vont devenir riches et extrêmement riches grâce à ça. الشيء الثاني, la deuxième chose, عندك إنسان مريض, t'as une personne malade. عارض السحر أو عوارض السحر. Et on a vu à travers cet homme les symptômes de la sorcellerie. أقول لك, je te dis frère ou sœur, أخي أختي, خذه إلى الطبيب العائلي. Prends-le vers le médecin familial ou le médecin de famille. خذه إلى الطبيب النفساني من بعد. Prends-le par la suite vers un psychiatre. كثير من الأمراض النفسانية تشبه أمراض السحر. Beaucoup de maladies mentales ressemblent exactement dans les symptômes aux maladies de la sorcellerie. Et les gens pensent que c'est de la sorcellerie. Et non, c'est une maladie mentale. L'âme peut tomber malade, comme le cœur qui peut tomber malade. Dans le cas où il y a guérison, la louange est à Dieu. Ou il la fa khudhu ila rajulin taqi. taqi, yaqra'u alayhi al-Qur'an, ma yusamma bil-ruqya. Si l'on prend ce malade vers un homme pieux, je souligne bien pieux, qui craint Dieu pour qu'il récite sur lui des versets coraniques, c'est ce qu'on appelle la ruqya. هناك كثير من المعالجين بالرقية دجالون كذابون لصوص أولاد الحرام فيجب الاحتياط. Mais dans le monde de la ruqya, il y a pas mal de guérisseurs qui sont des charlatans, qui sont des menteurs, qui sont des voleurs. Donc il faut se méfier. Il faut pas dire ruqya c'est bon. Il faut se méfier. Les gens cherchent l'argent avec tous les moyens. فإذا وجدت شفاء فالحمد لله. Dans le cas où il y a guérison, la louange est à Dieu. ما وجدت شفاء, il n'y a pas de guérison. تصدق وادع الله الشفاء. Donne l'aumône et demande à Dieu la guérison. فإذا لم تجد الشفاء, mais s'il n'y a pas guérison, هل نمشي عند الساحر? Est-ce qu'on doit aller vers le sorcier? On a essayé tout et rien n'a marché. On doit aller vers le sorcier? الجواب لا. La réponse non. قمت بواجبك, tu as accompli ton devoir. انتهى دورك, ta mission a pris fin. Arrête. Allah لا يريد الشفاء. Dieu ne veut pas la guérison. Allah حرم السحر. Dieu a interdit la sorcellerie. هذا المريض القلم مرفوع عنه. Ce malade, les anges ont levé l'encre, ont levé les plumes, ils n'écrivent plus de mal sur lui. Il n'est plus responsable. Ses péchés sont pardonnés grâce à sa maladie. Et toi, tu cherches à faire des péchés énormes afin de le guérir. Et en plus, tu perds ton argent dans l'interdit. Qu'on se repente tous vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et fil akhir, inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa. والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, اجعلنا نسعد في يوم الجمعة, اجعلنا من الذين يفرحون يوم الجمعة, اجعلنا من الذين يتركون كل شيء ويأتون إلى بيتك يوم الجمعة. يا رب اغفر ذنوبنا واغفر لنا ذنوب 10 أيام. ويا رب اجعلنا من عتقاء جهنم. يا رب اعطنا بكل خطوة إلى صلاة الجمعة أجر صيامي وقيامي سنة. إنك أنت الغفور الرحيم وإنك أنت الجواد الكريم. يا رب تقبل منا حضورنا يوم الجمعة واستماعنا للذكر. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نعوذ بك من شر كل ساحر, نعوذ بك من أذى السحر ومن أذى العرافين. يا رب إنك أنت الذي تعطي الإذن. يا رب لا تأذن لهم بضررنا وبمسنا بالسوء. يا رب اشفي كل مريض. يا رب اشفي مرضى المسلمين من أمراض السحر وغيرها. يا رب يا من لا إله إلا أنت, بلغ صلاتنا وسلامنا في هذا اليوم العظيم إلى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.